J'en fais des tonnes. Des tonnes. Des tonnes. Des tonnes. J'en bats des litres. Des litres. Des litres. Des litres. Je suis tendu comme une barre de fer. Resserre-toi un verre. On m'a dit qu'il fallait jamais s'en faire. On ira tous en enfer, on forcera même si tes degrés. Trop de sang dans les degrés, je dessinerai des regrets. Ta silhouette à la craie, on arrive pour monter en l'air. Pour te la mettre à l'envers, dire de la demeure comme tous les rappeurs de la terre. On arrive pour monter en l'air, pour te la mettre à l'envers, dire de la demeure comme ta meuf et ta mère. J'en fais des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. J'en bats des litres. J'en fais des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. J'en bats des litres, des litres, des litres. J'ai misé, des litres. J'ai misé, j'étais convaincu. Perdu, je suis inconvaincu. La rime était facile. Pour la peine, j'en ferai pas l'intelligence, c'est dans ton cul. Mais t'es pas un bon coup. Peu importe tout ce que t'as vécu, de façon ça sera jamais beaucoup. J'ai dû abuser sur les doses. Oublier quelque chose, user, je crois que je vais faire une pause. Je connais même plus les causes. J'aime vraiment pas les normes, je préfère dépasser les bornes. J'aime que les jolies formes. Je vais te montrer un truc énorme. J'en fais des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. J'en bats des litres. J'en fais des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. J'en bats des litres, des litres, des litres, des litres. J'en fais des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. J'en bats des litres, des litres, des litres, des litres. J'en fais des tonnes.